Section 8. Quatrième partie, livre troisième. Infirmerie de Marie-Thérèse. Lettre de Madame la Duchesse de Berry de la citadelle de Blaye. Départ de Paris. Calèche de Monsieur de Talleyrand. Bâle. Journal de Paris à Prague, du 14 au 24 mai 1833, écrit au crayon dans la voiture, à l'encre dans les auberges. Bord du Rhin. Sceau du Rhin. Moskirch. Orage. Le Danube. Ulm. Blenheim. Louis XIV. Forêt hercynienne. Les barbares. Source du Danube. Ratisbonne. Fabrique d'empereurs. Diminution de la vie sociale à mesure qu'on s'éloigne de la France. Sentiments religieux des Allemands. Arrivée à Waldmünchen. Douane autrichienne. L'entrée en Bohême refusée. Séjour à Waldmünchen. Lettres au comte de Chotek. Inquiétude. Le viatique. Chapelle. Ma chambre d'auberge. Description de Waldmünchen. Lettre du comte de Chotek. La paysanne. Départ de Waldmünchen. Douane autrichienne. Entrée en Bohême. Forêt de pins. Conversation avec la lune. Pilsen. Grand chemin du Nord. Vue de Prague. Paris, rue d'Enfer, 9 mai 1833. J'ai amené la série des derniers faits jusqu'à ce jour. Pourrais-je reprendre enfin mon travail? Ce travail consiste dans les diverses parties de ces mémoires non encore achevées, et j'aurai quelques difficultés à m'y remettre ex abrupto, car j'ai la tête préoccupée des choses du moment. Je ne suis pas dans les dispositions convenables pour recueillir mon passé dans le calme où il dort, tout agité qu'il fut quand il était à l'état de vie. J'ai pris la plume pour écrire, sur quoi et à propos de quoi je l'ignore. En parcourant du regard le journal dans lequel depuis 6 mois je me rends compte de ce que je fais et de ce qui m'arrive, je vois que la plupart des pages sont datées de la rue d'Enfer. Le pavillon que j'habite près de la barrière pouvait monter à 60 000 francs. Mais à l'époque de la hausse des terrains, je l'achetais beaucoup plus cher et je ne l'ai pu jamais payer. Il s'agissait de sauver l'infirmerie de Marie-Thérèse, fondée par les soins de Madame de Chateaubriand et contiguë au pavillon. Une compagnie d'entrepreneurs se proposait d'établir un café et des montagnes russes dans le susdit pavillon, bruit qui ne va guère avec l'agonie. Ne suis-je pas heureux de mes sacrifices? Sans doute. On est toujours heureux de secourir les malheureux. Je partagerai volontiers aux nécessiteux le peu que je possède, mais je ne sais si cette disposition s'élève chez moi jusqu'à la vertu. Je suis bon comme un condamné qui prodigue ce qui ne lui servira plus dans une heure. À Londres, le patient qu'on va pendre vend sa peau pour boire. Je ne vends pas la mienne, je la donne au fossoyeur. Une fois la maison achetée, ce que j'avais de mieux à faire était de l'habiter. Je l'ai arrangée telle qu'elle est. Des fenêtres du salon, on aperçoit d'abord ce que les Anglais appellent « pleasure ground », avant-scène formée d'un gazon et de massifs d'arbustes. Au-delà de ce pourpris, par-dessus un mur d'appui que surmonte une barrière blanche losangée est un champ variant de culture et consacré à la nourriture des bestiaux de l'infirmerie. Au-delà de ce champ vient un autre terrain, séparé du champ par un autre mur d'appui à claire-voie verte, entrelacé de viornes et de rosiers du Bengale. Cette marche de mon étang consiste en un bouquet de bois, un préau et une allée de peupliers. Ce recoin est extrêmement solitaire. Il ne me rit point comme le recoin d'Horace, Angulus ridet. Tout au contraire, j'y ai quelquefois pleuré. Le proverbe dit « Il faut que jeunesse se passe ». L'arrière-saison a aussi quelques frasques à passer. Les pleurs et la pitié sortent d'amour ayant ses charmes, la fontaine. Mes arbres sont de 1000 sortes. J'ai planté 23 cèdres de Salomon et 2 chênes de druide. Ils font les cornes à leur maître de peu de durée. Brewem Dominum. Un mail, double allée de marronnier, conduit du jardin supérieur au jardin inférieur. Le long du champ intermédiaire, la déclivité du sol est rapide. Ces arbres, je ne les ai pas choisis comme à la vallée aux loups, en mémoire des lieux que j'ai parcourus. Qui se plaît aux souvenirs, conserve des espérances. Mais lorsqu'on n'a ni enfant, ni jeunesse, ni patrie, quel attachement peut-on porter à des arbres dont les feuilles, les fleurs, les fruits, ne sont plus les chiffres mystérieux employés au calcul des époques d'illusion. En vain on me dit « Vous rajeunissez, croit-on me faire prendre pour ma dent de lait, ma dent de sagesse? Encore celle-ci ne m'est venue que pour manger un pain amer sous la royauté du 7 août. Au reste, mes arbres ne s'informent guère s'ils servent de calendrier à mes plaisirs ou d'extrait mortuaire à mes ans. Ils croissent chaque jour, du jour que je décrois. Ils se marient à ceux de l'enclos des enfants trouvés et du boulevard d'enfer qui m'enveloppe. Je n'aperçois pas une maison. À 200 lieues de Paris, je serai moins séparé du monde. J'entends bêler les chèvres qui nourrissent les orphelins délaissés. Ah, si j'avais été comme eux dans les bras de Saint-Vincent de Paul! Né d'une faiblesse, obscure et inconnue comme eux, je serais aujourd'hui quelque ouvrier sans nom, n'ayant rien à démêler avec les hommes, ne sachant ni pourquoi ni comment j'étais venu à la vie, ni comment ni pourquoi j'en dois sortir. La démolition d'un mur m'a mis en communication avec l'infirmerie de Marie-Thérèse. Je me trouve à la fois dans un monastère, dans une ferme, un verger et un parc. Le matin, je m'éveille au son de l'Angélus. J'entends de mon lit le chant des prêtres dans la chapelle. Je vois de ma fenêtre un calvaire qui s'élève entre un noyer et un sureau. Des vaches, des poules, des pigeons et des abeilles. Des sœurs de charité en robes d'étamine noire et en cornettes de basin blanc. Des femmes convalescentes, de vieux ecclésiastiques vont errant parmi les lilas, les azaléas, les pompadouras et les rhododendrons du jardin, parmi les rosiers, les groseilliers, les framboisiers et les légumes du potager. Quelques-uns de mes curés octogénaires étaient exilés avec moi. Après avoir mêlé ma misère à la leur sur les pelouses de Kensington, j'ai offert à leurs derniers pas les gazons de mon hospice. Ils y traînent leur vieillesse religieuse comme les plis du voile du sanctuaire. J'ai pour compagnon un gros chat gris-roux à bandes noires transversales, né au Vatican dans la loge de Raphaël. Léon XII l'avait élevé dans un pan de sa robe, où je l'avais vu avec envie lorsque le pontife me donnait mes audiences d'ambassadeur. Le successeur de Saint-Pierre étant mort, j'héritais du chat sans maître, comme je l'ai dit en racontant mon ambassade de Rome. On l'appelait Michetto, surnommé le chat du pape. Il jouit, en cette qualité, d'une extrême considération auprès des âmes pieuses. Je cherche à lui faire oublier l'exil, la chapelle Sixtine, et le soleil de cette coupole de Michel-Ange sur laquelle il se promenait, loin de la terre. Ma maison, les divers bâtiments de l'infirmerie, avec leur chapelle et la sacristie gothique, ont l'air d'une colonie ou d'un hameau. Dans les jours de cérémonie, la religion cachée chez moi, la vieille monarchie à mon hôpital, se mettent en marche. Des processions composées de tous nos infirmes, précédées des jeunes filles du voisinage, passent en chantant sous les arbres avec le Saint-Sacrement, la croix et la bannière. Madame de Chateaubriand les suit, le chapelet à la main, fière du troupeau objet de sa sollicitude. Les mères le sifflent, les fauvettes gazouillent, les rossignols luttent avec les hymnes. Je me reporte aux rogations dont j'ai décrit la pompe champêtre. De la théorie du christianisme, j'ai passé à la pratique. Mon gîte fait face à l'Occident. Le soir, la cime des arbres éclairée par derrière grave sa silhouette noire et dentelée sur l'horizon. Ma jeunesse revient à cette heure. Elle ressuscite ces jours écoulés que le temps a réduits à l'insubstance des fantômes. Quand les constellations percent leur voûte bleue, je me souviens de ce firmament splendide que j'admirais du giron des forêts américaines ou du sein de l'océan. La nuit est plus favorable que le jour aux réminiscences du voyageur. Elle lui cache les paysages qui lui rappelleraient les lieux qu'il habite. Elle ne lui laisse voir que les astres d'un aspect semblable sous les différentes latitudes du même hémisphère. Alors il reconnaît ces étoiles qu'il regardait de tel pays à telle époque. Les pensées qu'il eut, les sentiments qu'il éprouva dans les diverses parties de la terre remontent et s'attachent au même point du ciel. Nous n'entendons parler du monde à l'infirmerie qu'aux deux quêtes publiques et un peu le dimanche. Ces jours-là, notre hospice est changé en une espèce de paroisse. La sœur supérieure prétend que de belles dames viennent à la messe dans l'espérance de me voir. Économes industrieuses, elles mettent à contribution leur curiosité. En leur promettant de me montrer, elles les attirent dans le laboratoire. Une fois prises au trébuchet, elles leur cèdent bon gré mal gré pour de l'argent des drogues en sucre. Elle me fait servir à la vente du chocolat fabriqué au profit de ses malades, comme la martinière m'associait au débit de l'eau de groseille qui l'avalait au succès de ses amours. La sainte femme dérobe aussi des trognons de plumes dans l'encrier de Madame de Chateaubriand. Elle les négocie parmi les royalistes de pure race, affirmant que ces trognons précieux ont écrit le superbe mémoire sur la captivité de Madame la Duchesse de Berry. Quelques bons tableaux de l'école espagnole et italienne, une Vierge de Guérin, la Sainte Thérèse, dernier chef-d'œuvre du peintre de Corinne, nous font tenir aux arts. Quant à l'histoire, nous aurons bientôt à l'hospice la sœur du marquis de Favras et la fille de Madame Roland. La monarchie et la République m'ont chargé d'expier leur ingratitude et de nourrir leurs invalides. C'est à qui sera reçu un Marie-Thérèse. Les pauvres femmes obligées d'en sortir quand elles ont recouvré la santé se logent aux environs de l'infirmerie, se flattant de retomber malades et d'y rentrer. Rien n'y sent l'hôpital. La juive, la protestante, la catholique, l'étrangère, la française y reçoivent les soins d'une délicate charité qui se déguise en affectueuse parenté. Chacune des affligées croit reconnaître sa mère. J'ai vu une Espagnole, belle comme Dorothée, la perle de Séville, mourir à 16 ans de la poitrine dans le dortoir commun, se félicitant de son bonheur, regardant en souriant avec de grands yeux noirs à demi éteints, une figure pâle et amaigrie, Madame la Dauphine qui lui demandait de ses nouvelles et l'assurait qu'elle serait bientôt guérie. Elle expira le soir même, loin de la mosquée de Cordoue et des bords du Guadalquivir, son fleuve natal. D'où es-tu ? Espagnole. Espagnole, et ici, Lope de Vega. Grand nombre de veuves de chevaliers de Saint-Esprit sont nous habituées. Elles apportent avec elles la seule chose qui leur reste, les portraits de leurs maris en uniforme de capitaine d'infanterie, habits blancs, revers roses ou bleus de ciel, frisure à l'oiseau royal. On les met au grenier. Je ne puis voir leur régiment sans rire. Si l'ancienne monarchie eût subsisté, j'augmenterais aujourd'hui le nombre de ces portraits. Je ferai dans quelque corridor abandonné la consolation de mes petits-neveux. C'est votre grand-oncle François, le capitaine au régiment de Navarre. Il avait bien de l'esprit. Il a fait dans le Mercure le logogriffe qui commence par ces mots « Retrancher ma tête » et dans l'almanach des Muses, la pièce fugitive « Le cri du cœur ». Quand je suis là de mes jardins, la plaine de Montrouge les remplace. J'ai vu changer cette plaine. Que n'ai-je pas vu changer ? Il y a 25 ans qu'en allant à Méréville, au Marais, à la vallée au Loup, je passais par la barrière du Maine. On apercevait à droite et à gauche de la chaussée que des moulins, les roues des grues aux trouées des carrières et la pépinière de Selle, ancien ami de Rousseau. Desnoyers bâtit ses salons de 100 couverts pour les soldats de la garde impériale qui venaient trinquer entre chaque bataille gagnée, entre chaque royaume abattu. Quelques guinguettes s'élevèrent autour des moulins, depuis la barrière du Maine jusqu'à la barrière du Montparnasse. Plus haut était le moulin janséniste et la petite maison de Lauzin, pour contraste. Auprès des guinguettes furent placés des acacias, ombrages des pauvres, comme l'eau de Cels et le vin de champagne des Gueux. Un théâtre forain fixa la population nomade des Bastringues. Un village se forma avec une rue pavée, des chansonniers et des gendarmes, en fions et sécrops de la police. Pendant que les vivants s'établissaient, les morts réclamaient leur place. On enferma non sans opposition des ivrognes, un cimetière dans une enceinte où fut enclos un moulin ruiné comme la tour des abois. C'est là que la mort porte chaque jour le grain qu'elle a recueilli. Un simple mur la sépare des danses, de la musique, des tapages nocturnes. Les bruits d'un moment, les mariages d'une heure, les séparent du silence sans terme, de la nuit sans fin et des noces éternelles. Je parcours souvent ce cimetière moins vieux que moi, où les vers qui rongent les morts ne sont pas encore morts. Je lis les épitaphes. Que de femmes de 16 à 30 ans sont devenues la proie de la tombe, heureuses de n'avoir vécu que leur jeunesse. La duchesse de Gèvres, dernière goutte du sang de Du Guesclin, squelette d'un autre âge, fait son somme au milieu des dormeurs plébéiens. Dans cet exil nouveau, j'ai déjà d'anciens amis. Monsieur le moine y repose. Secrétaire de Monsieur de Montmorin, il m'avait été légué par Madame de Beaumont. Il m'apportait presque tous les soirs, quand j'étais à Paris, la simple conversation qui me plaît tant quand elle s'unit à la bonté du cœur et à la sûreté du caractère. Mon esprit fatigué et malade se délasse avec un esprit sain et reposé. J'ai laissé les cendres de la noble patronne de Monsieur le Moine au bord du Tibre. Les boulevards qui environnent l'infirmerie partagent mes promenades avec le cimetière. Je n'y rêve plus, n'ayant plus d'avenir, je n'ai plus de songes. Étranger aux générations nouvelles, je leur semble un besacier poudreux, bien nu. À peine suis-je recouvert maintenant d'un lambeau de jours écourtés que le temps rogne, comme le héros d'armes coupait la jaquette d'un chevalier sans gloire. Je suis aise d'être à l'écart. Il me plaît d'être à une portée de fusil de la barrière, au bord d'un grand chemin et toujours prêt à partir. Du pied de la colonne milière, je regarde passer le courrier, mon image et celle de la vie. Lorsque j'étais à Rome, en 1828, j'avais formé le projet de bâtir à Paris, au bout de mon ermitage, une serre et une maison de jardinier. Le tout sur mes économies de mon ambassade et les fragments d'antiquités trouvés dans mes fouilles à Torre Vergata. M. de Polignac arriva au ministère, je fis aux libertés de mon pays le sacrifice d'une place qui me charmait. Retombé dans mon indigence, adieu ma serre, fortuna vitrea est. La méchante habitude du papier et de l'encre fait qu'on ne peut s'empêcher de griffonner. J'ai pris la plume, ignorant ce que j'allais écrire, et j'ai barbouillé cette description trop longue au moins d'un tiers. Si j'ai le temps, je l'abrégerai. Je dois demander pardon à mes amis de l'amertume de quelques-unes de mes pensées. Je ne sais rire que des lèvres. J'ai le spleen, tristesse physique, véritable maladie. Quiconque a lu ces mémoires a vu quel a été mon sort. Je n'étais pas à une nagée du sein de ma mère que déjà les tourments m'avaient assailli. J'ai erré de naufrage en naufrage. Je sens une malédiction sur ma vie, poids trop pesant pour cette cahute de roseaux. Que ceux que j'aime ne se croient donc pas reniés. Qu'ils m'excusent, qu'ils laissent passer ma fièvre. Entre ces accès, mon cœur est tout à eux. J'en étais là de ces pages décousues, jetées pêle-mêle sur ma table et emportées par le vent que laissent entrer mes fenêtres ouvertes, lorsqu'on m'a remis la lettre et la note suivante de Madame la Duchesse de Berry. Allons, rentrons encore une fois dans la seconde partie de ma double vie, la partie positive. De la Citadelle de Blaye, 7 mai 1833. Je suis péniblement contrarié du refus du gouvernement de vous laisser venir auprès de moi, après la double demande que j'en ai faite. De toutes les vexations sans nombre qu'il m'a fallu éprouver, celle-ci est sans doute la plus pénible. J'avais tant de choses à vous dire, tant de conseils à vous réclamer. Puisqu'il faut renoncer à vous voir, je vais du moins essayer, par le seul moyen qui me reste, de vous remettre la commission que je voulais vous donner et que vous accomplirez, car je compte sans réserve sur votre dévouement pour mon fils. Je vous charge donc, monsieur, spécialement d'aller à Prague et de dire à mes parents que, si je me suis refusé jusqu'au 22 février à déclarer mon mariage secret, ma pensée était de servir davantage la cause de mon fils et de prouver qu'une mère, une Bourbon, ne craignait pas d'exposer ses jours. Je comptais seulement faire connaître mon mariage à la majorité de mon fils. Mais les menaces du gouvernement, les tortures morales poussées au dernier degré, m'ont décidé à faire ma déclaration. Dans l'ignorance où je suis de l'époque à laquelle la liberté me sera rendue, après tant d'espérances déçues, il est temps de donner à ma famille et à l'Europe entière une explication qui puisse prévenir des suppositions injurieuses. J'aurais désiré pouvoir la donner plus tôt, mais une séquestration absolue et les difficultés insurmontables pour communiquer avec le dehors m'en avaient empêché jusqu'ici. Vous direz à ma famille que je suis marié en Italie au comte Hector Lucchesi Palli, des princes de Campofranco. Je vous demande au monsieur de Chateaubriand de porter à mes chers enfants l'expression de toute ma tendresse pour eux. Dites bien à Henri que je compte plus que jamais sur tous ses efforts pour devenir de jour en jour plus digne de l'admiration et de l'amour des Français. Dites à Louise combien je serais heureuse de l'embrasser et que ses lettres ont été pour moi ma seule consolation. Mettez mes hommages aux pieds du roi et offrez mes tendres amitiés à mon frère et à ma bonne sœur. Je vous demande de me rapporter partout où je serai les vœux de mes enfants et de ma famille. Renfermé dans les murs de Blaye, je trouve une consolation à avoir un interprète tel que monsieur le vicomte de Chateaubriand. Il peut à tout jamais compter sur mon attachement, Marie-Caroline. Note. J'ai éprouvé une grande satisfaction de l'accord qui règne entre vous et monsieur le marquis de la Tour Maubourg, y attachant un grand prix pour les intérêts de mon fils. Vous pouvez communiquer à madame la dauphine la lettre que je vous écris. assurer ma sœur que dès que je serai mise en liberté, je n'aurai rien de plus pressé que de lui envoyer tous les papiers relatifs aux affaires politiques. Tous mes vœux auraient été de me rendre à Prague, aussitôt que je serai libre. Mais les souffrances de tout genre que j'ai éprouvées ont tellement détruit ma santé que je serai obligée de m'arrêter quelque temps en Italie pour me remettre un peu et ne pas trop effrayer par mon changement mes pauvres enfants. Étudiez le caractère de mon fils, ses qualités, ses penchants, ses défauts même. Vous direz au roi, à madame la dauphine et à moi-même, ce qu'il y a à corriger, à changer, à perfectionner, et vous ferez connaître à la France ce qu'elle a à espérer de son jeune roi. Par mes divers rapports avec l'empereur de Russie, je sais qu'il a fort bien accueilli à diverses reprises des propositions de mariage de mon fils avec la princesse Olga. Monsieur de Choulot vous donnera les renseignements les plus précis sur les personnes qui se trouvent à Prague. Désirant rester française avant tout, je vous demande d'obtenir du roi de conserver mon titre de princesse et mon nom. La mère du roi de Sardaigne s'appelle toujours la princesse de Carignan, malgré qu'elle ait épousé monsieur de Montléar, auquel elle a donné le titre de prince. Marie-Louise, duchesse de Parme, a conservé son titre d'impératrice en épousant le comte de Neipperg, et elle est restée tutrice de son fils. Ses autres enfants s'appellent Neipperg. Je vous prie de partir le plus promptement possible pour Prague, désirant plus vivement que je ne puis vous le dire que vous arriviez à temps pour que ma famille n'apprenne tous ces détails que par vous. Je désire le plus possible qu'on ignore votre départ, ou que du moins l'on ne sache point que vous êtes porteur d'une lettre de moi, pour ne pas faire découvrir mon seul moyen de correspondance, qui est si précieux, quoique fort rare. Monsieur le comte Lucchesi, mon mari, est descendant d'une des quatre plus anciennes familles de Sicile, les seules qui restent des 12 compagnons de Tancrède. Cette famille s'est toujours fait remarquer par le plus noble dévouement à la cause de ses rois. Le prince de Campofranco, père de Lucchesi, était le premier gentilhomme de la chambre de mon père. Le roi de Naples actuel, ayant une entière confiance en lui, l'a placé auprès de son jeune frère, le vice-roi de Sicile. Je ne vous parle pas de ses sentiments, ils sont en tout point conformes aux nôtres. Convaincu que la seule manière d'être comprise par les Français, c'est de leur parler toujours le langage de l'honneur et de leur faire envisager la gloire, j'avais eu la pensée de marquer le commencement du règne de mon fils par la réunion de la Belgique à la France. Le comte Lucchesi fut chargé par moi de faire à ce sujet les premières ouvertures au roi de Hollande et au prince d'Orange. Il avait puissamment contribué à les faire bien accueillir. Je n'ai pas été assez heureuse pour terminer ce traité, l'objet de tous mes vœux, mais je pense qu'il y a encore des chances de succès. Avant de quitter la Vendée, j'avais donné à M. le maréchal de Bourmont des pouvoirs pour continuer cette affaire. Personne n'est plus capable que lui de la mener à bien à cause de l'estime dont il jouit en Hollande. M.C. Blaye, ce 7 mai 1833. Dans l'incertitude où je suis de pouvoir écrire au marquis de la Tour-Maubourg, tâchez de le voir avant votre départ. Vous pouvez lui dire tout ce que vous jugerez convenable, mais sous le secret le plus absolu. Convenez avec lui de la direction à donner aux journaux. Je fus ému à la lecture de ces documents. La fille de tant de rois, cette femme tombée de si haut, après avoir fermé l'oreille à mes conseils, avait le noble courage de s'adresser à moi, de me pardonner d'avoir prévu le mauvais succès de son entreprise. Sa confiance m'allait au cœur et m'honorait. Madame de Berry m'avait bien jugé. La nature même de cette entreprise qui lui faisait tout perdre ne m'éloignait pas. Jouer un trône, la gloire, l'avenir, une destinée, n'est pas chose vulgaire. Le monde comprend qu'une princesse peut être une mère héroïque. Mais ce qu'il faut vouer à l'exécration, ce qui n'a pas d'exemple dans l'histoire, c'est la torture impudique, infligée à une faible femme, seule, privée de secours, accablée de toutes les forces d'un gouvernement conjuré contre elle, comme s'il s'agissait de vaincre une puissance formidable. Des parents livrant eux-mêmes leur fille à la risée des laquais, la tenant par les quatre membres afin qu'elle accouche en public, appelant les autorités du coin, les geôliers, les espions, les passants, pour voir sortir l'enfant des entrailles de leur prisonnière, de même qu'on avait appelé la France à voir naître son roi. Et quelle prisonnière, la petite fille de Henri IV, et quelle mère, la mère de l'orphelin dont on occupe le trône. Trouverait-on dans les bagnes une famille assez mal née pour avoir la pensée de flétrir un de ses enfants d'une telle ignominie? N'eût-il pas été plus noble de tuer madame la duchesse de Berry que de lui faire subir la plus tyrannique humiliation? Ce qu'il y a eu d'indulgence dans cette lâche affaire appartient au siècle. ce qu'il y a eu d'infamant appartient au gouvernement. La lettre et la note de Madame la Duchesse de Berry sont remarquables par plus d'un endroit. La partie relative à la réunion de la Belgique et au mariage d'Henri V montre une tête capable de choses sérieuses. La partie qui concerne la famille de Prague est touchante. La princesse craint d'être obligée de s'arrêter en Italie pour se remettre un peu et ne pas trop effrayer de son changement ses pauvres enfants. Quoi de plus triste et de plus douloureux ? Elle ajoute « Je vous demande, ô monsieur de Chateaubriand, de porter à mes chers enfants l'expression de toute ma tendresse, etc. » « Oh, madame la duchesse de Berry, que puis-je pour vous, moi faible créature déjà à moitié brisée ? Mais comment refuser quelque chose à ces paroles ? Renfermée dans les murs de Blaye, je trouve une consolation à avoir un interprète tel que monsieur de Chateaubriand. Il peut à jamais compter sur mon attachement. Oui, je partirai pour la dernière et la plus grande de mes ambassades. J'irai de la part de la prisonnière de Blaye trouver la prisonnière du Temple. J'irai négocier un nouveau pacte de famille, porter les embrassements d'une mère captive à des enfants exilés, et présenter les lettres par lesquelles le courage et le malheur m'accréditent auprès de l'innocence et de la vertu. Une lettre pour Madame la Dauphine et un billet pour les deux enfants étaient joints à la lettre qui m'était adressée. Il m'était resté de mes grandeurs passées un coupé, dans lequel je brillais jadis à la cour de Georges IV, et une calèche de voyage, autrefois construite à l'usage du prince de Talleyrand. Je fis radouber celle-ci, afin de la rendre capable de marcher contre nature, car, par son origine et ses habitudes, elle est peu disposée à courir après les rois tombés. Le 14 mai, à 8h30 du soir, anniversaire de l'assassinat de Henri IV, je partis pour aller trouver Henri V, enfant, orphelin et proscrit. Je n'étais pas sans inquiétude relativement à mon passeport. Pris aux affaires étrangères, il était sans signalement, il avait 11 mois de date. Délivré pour la Suisse et l'Italie, il m'avait déjà servi à sortir de France et à y rentrer. Différents visas attestaient ces diverses circonstances. Je n'avais voulu ni le faire renouveler, ni en requérir un nouveau. Toutes les polices eussent été averties. Tous les télégraphes eussent joué. J'aurais été fouillé à toutes les douanes dans ma vache, dans ma voiture et sur ma personne. Si mes papiers avaient été saisis, que de prétextes de persécution, que de visites domiciliaires, que d'arrestations, quelle prolongation de la captivité royale, car il demeurait prouvé que la princesse avait des moyens secrets de correspondance au dehors. Il m'était donc impossible de signaler mon départ par la demande d'un passeport. Je me confiais à mon étoile. Évitant la route trop battue de Francfort et celle de Strasbourg qui passe sous la ligne télégraphique, je pris le chemin de Bâle avec Hyacinthe Pilorge, mon secrétaire, façonné à toutes mes fortunes, et Baptiste, valet de chambre lorsque j'étais monseigneur et redevenu valet tout court à la chute de ma seigneurie. Nous montons et nous descendons ensemble. Mon cuisinier, le fameux Montmirail, se retira à ma sortie du ministère, me déclarant qu'il ne reviendrait aux affaires qu'avec moi. Il avait été sagement décidé par l'introducteur des ambassades sous la Restauration que tout ambassadeur mort rentrait dans la vie privée. Baptiste était rentré dans la domesticité. Arrivé à Altkirch, relais de la frontière, un gendarme se présenta et me demanda mon passeport. À la vue de mon nom, il me dit qu'il avait fait, sous les ordres de mon neveu Christian, capitaine dans les dragons de la garde, la campagne d'Espagne en 1823. Entre Altkirch et Saint-Louis, je rencontrai un curé et ses paroissiens. Ils faisaient une procession contre les hannetons, vilaines bêtes fort multipliées depuis les journées de juillet. À Saint-Louis, les préposés des douanes qui me connaissaient me laissèrent passer. J'arrivai joyeux à la porte de Bâle, où m'attendait le vieux tambour-major suisse qui m'avait infligé au mois d'août précédent un « bedit quarantaine d'un quart d'heure ». Mais il n'était plus question de choléra. J'allais descendre aux Trois Rois, au bord du Rhin. C'était le 17 mai, à 10 heures du matin. Le maître d'hôtel me procura un domestique de place, appelé Schwartz, natif de Bâle, pour me servir d'interprète en bohème. Il parlait allemand comme mon bon Joseph, ferblantier milanais, parlait grec, en Messénie, en s'enquérant des ruines de Sparte. Le même jour, 17 mai, à 6 heures du soir, je démarrai du port. En montant en calèche, je fus ébahi de revoir le gendarme d'Altkirch au milieu de la foule. Je ne savais s'il n'était point dépêché à ma suite. Il avait tout simplement escorté la malle-poste de France. Je lui donnais pour boire à la santé de son ancien capitaine. Un écolier s'approcha de moi et me jeta un papier avec cette inscription « Au Virgile du XIXe siècle ». On lisait écrit ce passage altéré de l'Énéide « Macte animo generose puer ». Et le postillon fouetta les chevaux et je partis tout fier de ma haute renommée à Bâle, tout étonné d'être Virgile, tout charmé d'être appelé « Enfant generose puer ». Je franchis le pont, laissant les bourgeoises et les paysans de Bâle en guerre au milieu de leur république et remplissant à leur manière le rôle qu'ils sont appelés à jouer dans la transformation générale de la société. Je remontai la rive droite du Rhin et regardai avec une certaine tristesse les hautes collines du canton de Bâle. L'exil que j'étais venu chercher l'année dernière dans les Alpes me semblait une fin de vie plus heureuse, un sort plus doux que ces affaires d'empire où je m'étais réengagé. Nourrissais-je pour Madame la Duchesse de Berry ou son fils la plus petite espérance ? Non. J'étais en outre convaincu que, malgré mes services récents, je ne trouverais point d'amis à Prague. Tel qui a prêté serment à Louis-Philippe et qui loue néanmoins les funestes ordonnances doit être plus agréable à Charles X que moi qui n'ai pas été parjure. C'est trop auprès d'un roi d'avoir deux fois raison. On préfère la trahison flatteuse au dévouement sévère. J'allais donc à Prague comme le soldat sicilien pendu à Paris du temps de la Ligue allait à la corde. Le confesseur des Napolitains cherchait à lui mettre le cœur au ventre et lui disait chemin faisant « Allegramente, allegramente ». Ainsi voguaient mes pensées, tandis que les chevaux m'emportaient. Mais quand je songeais au malheur de la mère de Henri V, je me reprochais mes regrets. Les bords du Rhin fuyant le long de ma voiture me faisaient une agréable distraction. Lorsqu'on regarde un paysage par une fenêtre, quoiqu'on rêve à autre chose, il entre pourtant dans la pensée un reflet de l'image que l'on a sous les yeux. Nous roulions parmi des prairies peintes des fleurs de mai, la verdure était nouvelle dans les bois, les vergers et les haies, chevaux, ânes et vaches, porcs, chiens et moutons, poules et pigeons, oies et dindons, étaient aux champs avec leurs maîtres. Le Rhin, fleuve guerrier, semblait se plaire au milieu de cette scène pastorale comme un vieux soldat logé en passant chez des laboureurs. Le lendemain matin 18 mai, avant d'arriver à Chafous, je me fis conduire au Sceau du Rhin. Je dérobai quelques moments à la chute des royaumes pour m'instruire à son image. Je me serais bien arrangé de finir mes jours dans le castel qui domine le chasme. Si j'avais placé à Niagara le rêve d'Atala non encore réalisé, si j'avais rencontré à Tivoli un autre songe déjà passé sur la terre, qui sait si, dans le donjon de la chute du Rhin, je n'aurais pas trouvé une vision plus belle, naguère errante à ses bords, et qui m'eût consolé de toutes les ombres que j'avais perdues. De Chafous, j'ai continué ma route pour Ulm. Le pays offre des bassins cultivés, où des monticules couverts de bois et détachés les uns des autres plongent leurs pieds. Dans ces bois qu'on exploitait alors, on remarquait des chênes, les uns abattus, les autres debout, les premiers écorcés à terre, leurs troncs et leurs branches nus et blancs comme le squelette d'un animal bizarre, les seconds portant sur leurs rameaux hirsutes et garnis d'une mousse noire la fraîche verdure du printemps. Ils réunissaient ce qui ne se trouve jamais chez l'homme, la double beauté de la vieillesse et de la jeunesse. Dans les sapinières de la plaine, des déracinements laissaient des places vides. Le sol avait été converti en prairie. Ces hippodromes de gazon, au milieu des forêts ardoisées, ont quelque chose de sévère et de riant, et rappellent les savanes du Nouveau Monde. Les cabanes tiennent encore du caractère suisse. Les hameaux et les auberges se distinguent par cette propreté appétissante ignorée dans notre pays. Arrêté pour dîner entre 6 heures et 7 heures du soir à Moskirch, je m'usais à la fenêtre de mon auberge. Des troupeaux buvaient à une fontaine, une génisse sautait et folâtrait comme un chevreuil. Partout où l'on agit doucement envers les animaux, ils sont gais et se plaisent avec l'homme. En Allemagne et en Angleterre, on ne frappe point les chevaux. On ne les maltraite pas de parole. Ils se rangent d'eux-mêmes au timon. Ils partent et s'arrêtent à la moindre émission de voix, au plus petit mouvement de la bride. De tous les peuples, les Français sont les plus inhumains. Voyez nos postillons atteler leurs chevaux. Ils les poussent au brancard à coups de bottes dans le flanc, à coups de manches de fouet sur la tête, leur cassant la bouche avec les mors pour les faire reculer, accompagnant le tout de jurements, de cris et d'insultes au pauvre animal. On contraint les bêtes de somme à tirer ou à porter des fardeaux qui surpassent leurs forces, et pour les obliger d'avancer, on leur coupe le cuir à virevolte de lanière. La férocité du Gaulois nous est restée. Elle est seulement cachée sous la soie de nos bas et de nos cravates. Je n'étais pas seul à béer. Les femmes en faisaient autant à toutes les fenêtres de leur maison. Je me suis souvent demandé, en traversant des hameaux inconnus, « Voudrais-tu demeurer là ?» Je me suis toujours répondu « Pourquoi pas ?» Qui, durant les folles heures de la jeunesse, n'a dit avec le troubadour Pierre Vidal « Don aimé d'un poc cordo, quenar e boda medo, que reis richat, ab peitieus, ni ab tors, ni ab angieus. Je suis plus riche avec un ruban que la belle Rimbaude me donne, que le roi Richard avec Poitiers, Tours et Angers. Matière de songe est partout. Peines et plaisirs sont de tous lieux. Ces femmes de Moskirch qui regardaient le ciel ou mon chariot de poste, qui me regardaient ou ne regardaient rien, n'avaient-elles pas des joies et des chagrins, des intérêts de cœur, de fortune, de famille, comme on en a à Paris? J'aurais été loin dans l'histoire de mes voisins si le dîner ne s'était annoncé poétiquement au fracas d'un coup de tonnerre. C'était beaucoup de bruit pour peu de choses. 19 mai 1833. À 10 heures du soir, je remontai en voiture, je m'endormis au grignotement de la pluie sur la capote de la calèche, le son du petit corps de mon postillon me réveilla. J'entendis le murmure d'une rivière que je ne voyais pas. Nous étions arrêtés à la porte d'une ville. La porte s'ouvre, on s'enquiert de mon passeport et de mes bagages. Nous entrions dans le vaste empire de Sa Majesté Wurtembourgeoise. Je saluai de ma mémoire la grande duchesse Hélène, fleur gracieuse et délicate, maintenant enfermée dans les serres du Volga. Je n'ai conçu qu'un seul jour le prix du haut rang et de la fortune. C'était la fête que je donnais à la jeune princesse de Russie dans les jardins de la villa de Médicis. Je sentis comme la magie du ciel, le charme des lieux, le prestige de la beauté et de la puissance pouvaient enivrer. Je me figurais être à la fois Torquato Tasso et Alfonso d'Este. Je valais mieux que le prince, moins que le poète. Hélène était plus belle que Léonore. Représentant de l'héritier de François Ier et de Louis XIV, j'ai eu le songe d'un roi de France. On ne me fouilla point. Je n'avais rien contre les droits des souverains, moi qui reconnaissais ceux d'un jeune monarque, quand les souverains eux-mêmes ne les reconnaissaient plus. La vulgarité, la modernité de la douane et du passeport contrastaient avec l'orage, la porte gothique, le son du cor et le bruit du torrent. Au lieu de la châtelaine opprimée que je me préparais à délivrer, je trouvai, au sortir de la ville, un vieux bonhomme. Il me demanda 6 cruches, kreutzer, haussant de la main gauche une lanterne au niveau de sa tête grise, tendant la main droite à Schwartz, assis sur le siège, ouvrant sa bouche comme la gueule d'un brochet pris à l'hameçon. Baptiste, mouillé et malade, ne s'en put tenir de rire. Et ce torrent que je venais de franchir, qu'était-ce? Je le demandai au postillon qui me cria « Donau !» le Danube. Encore un fleuve fameux traversé par moi à mon insu, comme j'étais descendu dans le lit des lauriers roses de l'Eurotas, sans le connaître. Que m'a servi de boire aux eaux du Méchacébé, de l'Éridan, du Tibre, du Céphise, de l'Hermus, du Jourdain, du Nil, du Bétis, du Tage, de l'Èbre, du Rhin, de la Sprée, de la Seine et de 100 autres fleuves obscurs ou célèbres. Ignorés, ils ne m'ont point donné leur paix. Illustres, ils ne m'ont point communiqué leur gloire. Ils pourront dire seulement qu'ils m'ont vu passer comme leurs rives voient passer leurs ondes. J'arrivai d'assez bonne heure le dimanche 19 mai à Ulm, après avoir parcouru le théâtre des campagnes de Moreau et de Bonaparte. Hyacinthe, membre de la Légion d'honneur, emportait le ruban. Cette décoration nous attirait des respects incroyables. N'ayant à ma boutonnière qu'une petite fleur selon ma coutume, je passais, avant qu'on sût mon nom, pour un être mystérieux. Mes mamelouks, au Caire, voulaient, bon gré mal gré, que je fusse un général de Napoléon déguisé en Savantas. Ils n'en démordaient point et s'attendaient de quart d'heure en quart d'heure à me voir mettre l'Égypte dans la ceinture de mon cafetan. C'est pourtant chez les peuples dont nous avons brûlé les villages et ravagé les moissons que ces sentiments existent. Je jouissais de cette gloire, mais si nous n'avions fait que du bien à l'Allemagne, y serions-nous tant regrettés ? Inexplicable nature humaine ! Les maux de la guerre sont oubliés, nous avons laissé au sol de nos conquêtes le feu de la vie. Cette masse inerte, mise en mouvement, continue de fermenter parce que l'intelligence y commence. En voyageant aujourd'hui, on s'aperçoit que les peuples veillent le sac sur le dos. Prêts à partir, ils semblent nous attendre pour nous mettre à la tête de la colonne. Un Français est toujours pris pour l'aide de camp qui apporte l'ordre de marcher. Ulm est une petite ville propre, sans caractère particulier. Ces remparts détruits se sont convertis en potagers ou en promenades, ce qui arrive à tous les remparts. Leur fortune a quelque chose de pareil à celle des militaires. Le soldat porte les armes dans sa jeunesse. Devenu invalide, il se fait jardinier. J'allais voir la cathédrale, vaisseau gothique, à flèche élevée. Les bas-côtés se partagent en deux voûtes étroites, soutenues par un seul rang de piliers, de manière que l'édifice intérieur tient à la fois de la cathédrale et de la basilique. La chaire a pour dais un élégant clocher, terminé en pointe comme une mitre. L'intérieur de ce clocher se compose d'un noyau, autour duquel tourne une voûte hélicoïde à filigranes de pierre. Des aiguilles symétriques, perçant le dehors, paraissent avoir été destinées à porter des cierges. Ils illuminaient cette tiare quand le pontife prêchait les jours de fête. Au lieu de prêtres officiants, j'ai vu de petits oiseaux sautillant dans ces feuillages de granit. Ils célébraient la parole qui leur donna une voix et des ailes le cinquième jour de la création. La nef était déserte. Au chevet de l'église, deux troupes séparées de garçons et de filles écoutaient des instructions. La Réformation, je l'ai déjà dit, a tort de se montrer dans les monuments catholiques qu'elle a envahis. Elle y est mesquine et honteuse. Ces hauts portiques demandent un clergé nombreux, la pompe des solennités, les chants, les tableaux, les ornements, les voiles de soie, les draperies, les dentelles, l'argent, l'or, les lampes, les fleurs et l'encens des autels. Le protestantisme aura beau dire qu'il est retourné au christianisme primitif, les églises gothiques lui répondent qu'il a renié ses pères. Les chrétiens, architectes de ces merveilles, étaient autres que les enfants de Luther et de Calvin. 19 mai 1833. Le 19 mai à midi, j'avais quitté Ulm. À Dillingen, les chevaux manquèrent. Je demeurai une heure dans la grande rue, ayant pour récréation la vue d'un nid de cigogne planté sur une cheminée comme un minaret d'Athènes. Une multitude de moineaux avaient fait insolemment leur nid dans la couche de la paisible reine au long cou. Au-dessous de la cigogne, une dame, logée au premier étage, regardait les passants à l'ombre d'une jalousie demi-relevée. Au-dessous de la dame était un sein de bois dans une niche. Le sein sera précipité sur le pavé, la femme de sa fenêtre dans la tombe, et la cigogne, elle s'envolera, ainsi finiront les trois étages. Entre Dillingen et Donauwerth, on traverse le champ de bataille de Blenheim. Les pas des armées de Moreau sur le même sol n'ont point effacé ceux des armées de Louis XIV. La défaite du grand roi domine dans la contrée les succès du grand empereur. Le postillon qui me conduisait était de Blenheim. Arrivé à la hauteur de son village, il sonna du cor. Peut-être annonçait-il son passage à la paysanne qu'il aimait. Elle tressaillait de joie au milieu des mêmes guérets où 27 bataillons et 12 escadrons français furent faits prisonniers, où le régiment de Navarre, dont j'ai eu l'honneur de porter l'uniforme, enterra ses étendards au bruit lugubre des trompettes. Ce sont là les lieux communs de la succession des âges. En 1793, la République enleva de l'église de Blenheim les guidons arrachés à la monarchie en 1704. Elle vengeait le royaume et immolait le roi. Elle abattait la tête de Louis XVI, mais elle ne permettait qu'à la France de déchirer le drapeau blanc. Rien ne fait mieux sentir la grandeur de Louis XIV que de trouver sa mémoire jusqu'au fond des ravines creusées par le torrent des victoires napoléoniennes. Les conquêtes de ce monarque ont laissé à notre pays des frontières qui nous gardent encore. L'écolier de Brienne, à qui la légitimité donna une épée, enferma un moment l'Europe dans son antichambre. Mais elle en sortit. Le petit-fils de Henri IV mit cette même Europe au pied de la France. Elle y est restée. Cela ne signifie pas que je compare Napoléon à Louis XIV. Hommes de divers destins, ils appartiennent à des siècles dissemblables, à des nations différentes. L'un a parachevé une ère, l'autre a commencé un monde. On peut dire de Napoléon ce que dit Montaigne de César. J'excuse la victoire de ne pas s'être pu dépêtrer de lui. Les indignes tapisseries du château de Blenheim, que je vis avec Pelletier, représentent le maréchal de Tallard, ôtant son chapeau au duc de Marlborough, lequel est en posture de Rodomont. Tallard n'en demeura pas moins le favori du vieux lion. Prisonnier à Londres, il vainquit, dans l'esprit de la reine Anne, Marlborough qui l'avait battu à Blenheim, et mourut membre de l'Académie française. C'était, selon Saint-Simon, un homme de taille médiocre, avec des yeux un peu jaloux, plein de feu et d'esprit, mais sans cesse battu du diable par son ambition. Je fais de l'histoire en calèche. Pourquoi pas? César en faisait bien en litière. S'il gagnait les batailles qu'il écrivait, je n'ai pas perdu celles dont je parle. De Dillingen à Donavert est une riche plaine d'inégal niveau où les champs de blé s'entremêlent aux prairies. On se rapproche, oui, on s'éloigne du Danube selon les courbures du chemin et les inflexions du fleuve. À cette hauteur, les eaux du Danube sont encore plus jaunes comme celles du Tibre. À peine êtes-vous sorti du village que vous en apercevez un autre. Ces villages sont propres et riants. Souvent, les murs des maisons ont des fresques. Un certain caractère italien se prononce davantage à mesure que l'on avance vers l'Autriche. L'habitant du Danube n'est plus le paysan du Danube. Son menton nourrissait une barbe touffue, toute sa personne velue représentait un ours, mais un ours mal léché. Mais le ciel d'Italie manque ici. Le ciel est bas et blanc. Ces bourgs si drus semés ne sont pas ces petites villes de la Romagne qui couvrent les chefs-d'œuvre des arts cachés sous elles. On gratte la terre, et ce labourage fait pousser comme un épi de blé quelques merveilles du ciseau antique. À Donavert, je regrettais d'être arrivé trop tard pour jouir d'une belle perspective du Danube. Lundi vint, même aspect du paysage, cependant le sol devient moins bon, et les paysans paraissent plus pauvres. On commence à revoir des bois de pins et des collines. La forêt hercynienne débordait jusqu'ici. Les arbres dont Pline nous a laissé la description singulière furent abattus par des générations maintenant ensevelies avec les chaînes séculaires. Lorsque Trajan jeta un pont sur le Danube, l'Italie ouit pour la première fois le nom si fatal à l'ancien monde, le nom des Goths. Le chemin s'ouvrit à des myriades de sauvages qui marchèrent au sac de Rome. Les Huns et leur Attila bâtirent leur palais de bois en regard du Colisée au bord du fleuve rival du Rhin et comme lui ennemi du Tibre. Les hordes d'Alaric franchirent le Danube en 376 pour renverser l'empire grec civilisé, au même lieu où les Russes l'ont traversé en 1828 avec le dessein de renverser l'empire barbare assis sur les débris de la Grèce. Trajan aurait-il deviné qu'une civilisation d'une espèce nouvelle s'établirait un jour de l'autre côté des Alpes, aux confins du fleuve qu'il avait presque découvert? Né dans la forêt noire, le Danube va mourir dans la mer noire. Où gît sa principale source? Dans la cour d'un baron allemand, lequel emploie la naïade à laver son linge. Un géographe s'étant avisé de nier le fait, le gentilhomme propriétaire lui a intenté un procès. Il a été décidé par arrêt que la source du Danube était dans la cour du dit baron et ne saurait être ailleurs. Que de siècles il a fallu pour arriver des erreurs de Ptolémée à cette importante découverte. Tacite fait descendre le Danube du mont Abnoba, Montis Abnoboe. Mais les barons Hermondur, Kérusque, Marcoman et Quad, qui sont les autorités sur lesquelles s'appuie l'historien romain, n'étaient pas si avisés que mon baron allemand. Eudore n'en savait pas tant quand je le faisais voyager aux embouchures de l'Ister, où l'Euxin, selon Racine, devait porter Mithridate en 2 jours. Ayant passé l'Ister vers son embouchure, je découvris un tombeau de pierre sur lequel croissait un laurier. J'arrachai les herbes qui couvraient quelques lettres latines, et bientôt je parvins à lire ce premier vers des élégies d'un poète infortuné. Mon livre, vous irez à Rome, et vous irez à Rome sans moi. Martyr. Le Danube, en perdant sa solitude, a vu se reproduire sur ses bords les maux inséparables de la société. Peste, famine, incendie, saccagement de villes, guerre, et ses divisions sans cesse renaissantes des passions ou des erreurs humaines. Déjà, nous avons vu le Danube inconstant, qui tantôt catholique et tantôt protestant, sert Rome et Luther de son onde, et qui, comptant après pour rien le romain et le luthérien, finit sa course vagabonde par n'être pas même chrétien. Après Donavert, on trouve Birkheim et Neubourg. Au déjeuner, à Ingolstadt, on m'a servi du chevreuil. C'est grand pitié de manger cette charmante bête. J'ai toujours lu avec horreur le récit de la fête d'installation de Georges Neville, archevêque d'York, en 1466. On y rôtit 400 cygnes chantant en chœur leur hymne funèbre. Il est aussi question dans ce repas de 204 butors, je le crois bien. Fin de la section 8.